السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله رحمة واسعة وسائر أموات المسلمين: الفائدة الواحدة والتسعون، أنها أي التقوى من أسباب النجاة من المهالك والسلامة من السوء. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. سورة الزمر الآية 61. Il nous dit رحمه الله le prophète numéro 91: et quelle est une des causes permettant d'être sauvé de la perdition et d'être préservé du mal? La taqwa. Allah nous dit, d'après les sens du verset, « Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner des places au paradis. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point infligés. » Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point infligés. « ثم يقول رحمه الله الفائدة الثانية والتسعون أن المتقين يساقون إلى الجنة زمراء سوق إكرام وخلود. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. سورة الزمر الآية 74. Le prophète numéro 92 est que les pieux seront conduits en groupe vers le paradis, de manière honorée et pour l'éternité. Allah nous dit d'après l'essence du verset: et ceux qui ont craint leur Seigneur, ceux qui ont été pieux, seront conduits par groupe vers le paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ses portes s'ouvriront, ses gardiens leur diront: paix sur vous, salamun alaykum, tibetum, vous avez été bon, entrez-y donc pour l'éternité. Sa parole, subhanahu wa ta'ala, vous avez été bon, c'est-à-dire que vos cœurs étaient bons par la connaissance d'Allah, son amour et sa crainte. Vos langues étaient bonnes par son rappel, subhanah, et vos membres étaient bons par son obéissance. Cela comme nous le cite l'imam Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah en commentaire de ce verset. Et donc, ceux-là sont les pieux. Et du fait de leur bonté, du fait qu'ils ont été bons dans leur cœur, leur langue et leurs membres, il leur sera dit: entrez-y donc pour l'éternité. Cela car le paradis est la demeure du bon, dar al-tayyib, et qui n'accepte que les bons, al-tayyiboun. ثم يقول رحمه الله الفائدة الثالثة والتسعون أن التقوى من أسباب النجاة من عذاب الدنيا. قال تعالى: ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. سورة فصلت الآية 17. Le prophète numéro 93 est que la piété est une des causes permettant d'être sauvé du châtiment de ce bas monde, comme cité. Allah nous dit d'après l'essence du verset: et nous sauvâmes ceux qui croyaient et étaient pieux. Sourate Surat Fussilat, verset numéro 17. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après avoir cité le châtiment qu'il a attribué au peuple de Thamoud, après qu'ils aient préféré l'aveuglement à la guidée, istahabbu al-ama ala al-huda, il nous dit subhanahu wa ta'ala: c'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ceux qu'ils avaient acquis. C'est alors qu'ils furent saisis par la foudre du supplice le plus humiliant pour ceux qu'ils avaient acquis. Puis il nous dit subhanahu wa ta'ala: et nous sauvâmes ceux qui croyaient et étaient pieux. Wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun. Donc ceux qui encore une fois avaient réuni entre la foi, la science et les œuvres, les actes. ثم يقول رحمه الله: الفائدة الرابعة والتسعون، أن الآخرة للمتصفين بها. قال تعالى: والآخرة عند ربك للمتقين، سورة الزخرف الآية 35. Le prophète numéro 94 est que l'au-delà est pour les pieux. Allah nous dit d'après l'essence du verset, alors que l'au-delà auprès de ton Seigneur est pour les pieux. Sourate Az-Zukhruf, verset numéro 35. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset nous dit, après avoir cité quelques versets auparavant, des points venant montrer que ce bas monde ne vaut auprès de lui subhanahu wa ta'ala pas le poids de l'aile d'un moustique, comme cela a été cité par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ce bas monde n'a aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que si ce n'était pas sa miséricorde et sa douceur envers les croyants, il aurait alors élargi ses dons dans ce bas monde pour les mécréants, car ce bas monde n'a aucune valeur à ses yeux subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous dit d'après l'essence du verset, et si les gens ne formaient pas une seule communauté, nous aurions certes pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux de toits et d'escaliers d'argent pour qu'ils y montent. Nous aurions pourvu leurs maisons de portes et de divans pour qu'ils s'y accoudent, et d'ornements, wa zukhrufa. Puis il nous dit subhanahu wa ta'ala, et tout cela ne sera qu'une jouissance temporaire de la vie d'ici-bas, alors que l'au-delà, auprès de ton Seigneur, est pour les pieux. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ces versets que par miséricorde pour les croyants, pour ne pas qu'ils se précipitent vers la mécréance en voyant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné aux mécréants de ce bas monde, qui n'en réalise aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour ne pas que cela pousse les croyants à la mécréance, il prive subhanahu wa ta'ala certains mécréants, ceux qui mécroivent en lui, de certaines jouissances de ce bas monde. Car la vraie vie, la vraie récompense et les réels plaisirs éternels sont en réalité ceux de l'au-delà. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. الْفَائِدَةُ الْخَامِسَةُ وَالتِّسْعُونَ، أن الخلة بين الأحبة ثابتة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، سورة الزخرف الآية 67. Le prophète numéro 95 est que l'amitié qu'il y a entre les pieux reste dans ce bas monde et dans l'au-delà. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, et les amis seront ce jour-là ennemis, seront ce jour-là ennemis les uns les autres, excepté les pieux. إلا المتقين. الفائدة السادسة والتسعون، أن مقام المتصفين بها مقام أمين في جنات وعيون بما فيها من النعيم. قال تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. سورة الدخان من الآيات 51 إلى 57. Il nous dit رحمه الله, le prophète numéro 96 est que les pieux auront une demeure de sûreté parmi des jardins et des sources, et ce qu'elles contiennent comme délices. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, les pieux seront dans une demeure sûre, parmi des jardins et des sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart, et seront placés face à face, mutaqabilin. C'est ainsi, et nous leur donnerons des épouses, des houris aux grands yeux, et ils demeureront en toute quiétude, et ils demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. Ils ne goûteront pas à la mort, excepté la première mort. Et Allah les protégera du châtiment de la fournaise. Puis nous dit subhanahu wa ta'ala, cela est une grâce de ton Seigneur, et cela est l'énorme succès. Sur la tête d'Ukhan, la fumée, verset numéro 51 au verset numéro 57. Puis nous dit rahimahullah, الفائدة السابعة والتسعون, أن التقوى من أسباب ولاية الله. قال تعالى: والله ولي المتقين، سورة الجاثية الآية 19. Le prophète numéro 97 est que la piété est une cause pour obtenir l'alliance d'Allah. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, Les injustes sont vraiment alliés les uns les autres, tandis qu'Allah est l'allié, le protecteur des pieux. Tandis qu'Allah est l'allié, le protecteur des pieux. Wallahu waliyul muttaqin. L'allié, donc, cela implique qu'il les aide, subhanahu wa ta'ala, qu'il les secourt, qu'il les protège, qu'il est doux envers eux, yaltufu bihim, qu'il leur accorde la réussite et qu'il les fera par la suite entrer au paradis. Al-fa'idatu at-tasi'atu wat-tis'un. أن المتصفين بها وعدوا بالجنة التي فيها أنواع النعيم قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Surat Muhammad, al-ayatul khamisata'ashar. Le prophète numéro 99 est que les pieux ont reçu la promesse du paradis dans lequel se trouvent différents types de délices. Allah nous dit d'après l'essence du verset, voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Et il y aura là pour eux des fruits de toutes sortes et un pardon de leur Seigneur. Wa maghfiratum min rabbihim. Al-fa'ilatu at-tasi'atu wat-tis'un anna at-taqwa min asbabi nail al-ajri. Qala ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Le prophète numéro 99 est que la piété permet d'obtenir la récompense. Allah nous dit d'après l'essence du verset, et si vous croyez et êtes pieux, il vous donnera vos récompenses. Sourate Mohammed, verset numéro 36. Al-fa'idatul mi'a. Annaha sababur rahma. Qala ta'ala, wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-hujurat, al-ayatul ashira. Le centième profit est que la piété est une cause de miséricorde. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, et craignez Allah afin qu'il vous soit fait miséricorde. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-hujurat, verset numéro 10. الفائدة الواحدة بعد المئة أن بها تنال الكرامة عند الله قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. الحجرات الآية الثالثة عشر. Le profil numéro 101 est que par elle, par la piété, on obtient la noblesse auprès d'Allah. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Surat al-Hujurat, verset numéro 13. L'imam Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di rahimahullah nous dit, en commentaire de ce verset, certes, le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux, il nous dit. Et donc, le plus noble auprès d'Allah est le plus pieux, qui est celui qui est le plus obéissant et celui qui s'écarte le plus de sa désobéissance. Et non pas celui qui a le plus de proches, de partisans ou descend d'une noble lignée. Intaha kalamu rahimahullah. الفائدة الثانية بعد المئة أن التقوى سبب لتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. الحجرات الآية الثالثة. Le prophète numéro 102 est que la piété mène à immensifier le messager صلى الله عليه وسلم. Allah nous dit d'après l'essence du verset, ceux qui auprès du messager abaissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. C'est-à-dire qu'Allah les a éprouvés pour voir ce qui va paraître d'eux. Et donc ceux-là auront réussi, ceux qui abaissent leur voix et qui honorent, immensifient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il nous dit, ils auront un pardon et une énorme récompense. Surat al-Hujurat, verset numéro 3. Al-fa'idatu thalithatu wal-miyah anna al-jannata uzlifat lil-muttasifina bit-taqwa. Qala ta'ala وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. سورة قاف الآية الواحدة والثلاثون. Le prophète numéro 103 est que le paradis a été rapproché pour les pieux. Allah nous dit d'après le sens du verset, et le paradis sera rapproché à proximité des pieux. سورة قاف, verset numéro 31. الفائدة الرابعة والخامسة والمئة أن ثواب المتصفين بها الجنات قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون. Surat al-Dhariyat, al-ayatul khamisata ashar. وقال تعالى: إن المتقين في جنات ونعيم. سورة طور الآية 17. Le prophète numéro 104 et 105. Et que la récompense des pieux est les jardins du paradis. Jannatu al-Jannat. Allah nous dit d'après l'essence du verset. Et il y a certes pour les pieux des jardins et des sources. Surat al-Dhariyat, verset numéro 15. Il nous dit, subhana, les pieux sont certes dans des jardins et des lys. Surat al-Tur, verset numéro 17. Al-Fa'ilatu al-Salisatu wal-Miya. Anna al-Taqwa tourithu al-Khashyata min Allah. Qala ta'ala. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. سورة الطور الآية 26. Le prophète numéro 106 est que la taqwa, la piété, mène à la crainte d'Allah. Allah nous dit à propos des pieux. Ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. Yom al-Qiyama, ce sera les propos que diront les pieux à qui Allah accordera le paradis. Ils diront, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte d'Allah. Surat al-Tur, verset numéro 26. Al-fa'ilatu al-sabi'atu wal-mi'ah. Anna thawab al-muttasifina biha al-jannat wa na'imuha. Qala ta'ala, inna al-muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadir. Surat al-Qamar, al-ayatu al-thalithatu wal-khamsun. Le prophète numéro 107 est que les pieux seront dans les jardins et leurs délices. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, certes les pieux seront dans des jardins et des sources, dans une demeure de vérité auprès d'un souverain omnipotent. Fi maq'ad sidqin 'inda malikin muqtadir. Surat al-Qamar, verset numéro 53. Al-fa'idatu al-thaminatu wal-mi'ah, anna at-taqwa min asbab mudha'afati ar-rahma wal-hidayati wal-maghfira. Qala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu bir-rasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Le prophète numéro 108 est que la piété est une des causes du doublement de la miséricorde, de la guider et du pardon. Allah nous dit d'après l'essence du verset, ô vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son prophète et croyez en son messager, pour qu'il vous apporte de part de sa miséricorde et qu'il vous accorde une lumière avec laquelle vous marcherez et qu'il vous pardonne. Surat al-Hadid, le fer, verset numéro 28. Donc Allah vous accordera une lumière avec laquelle vous marcherez, c'est-à-dire une fiance et une guidée, ainsi qu'une lumière avec laquelle vous marcherez et trouverez votre chemin dans les ténèbres de l'ignorance. Al-fa'ilatu at-tasi'atu wal-mi'ah, anna at-taqwa sababun lil-khuruj min al-madayiq wa sa'ati ar-rizq. Qala ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Surat at-talaq, al-ayatu ath-thaniya wath-thalitha. Le prophète numéro 109 est que la piété est une cause permettant de sortir des situations difficiles et de l'obtention d'une large subsistance. Allah nous dit d'après l'essence du verset, et quiconque craint Allah, quiconque fait preuve de piété, il lui accordera une issue favorable, donc face aux difficultés, et lui accordera sa subsistance de là où il ne s'attend pas. Surat al-Talaq, verset numéro 2 et 3. Al-fa'ilatul ashirati, al-fa'ilatul ashirati ba'd al-mi'ah, annaha sababun لتيسير الأمور. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سورة الطلاق الآية الرابعة. Le prophète numéro 110 est qu'elle est une cause pour la facilité de ce que l'on entreprend, pour la facilité des affaires et des choses. Allah nous dit d'après l'essence du verset: et quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. Et quiconque craint Allah, il lui facilite les choses. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. سورة الطلاق verset numéro 4. الفائدة الحادية عشرة بعد المئة أنها سبب لتكفير السيئات وكثرة الأجور. قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. سورة الطلاق الآية الخامسة. Le prophète numéro 111 est qu'elle est une cause pour l'expiation des péchés et de nombreuses récompenses, pour obtenir de nombreuses récompenses. Allah nous dit d'après l'essence du verset: et quiconque craint Allah, il lui expiera ses péchés et lui accordera une immense récompense. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Surat al-Talaq, verset numéro 5. الفائدة الثانية عشرة بعد المئة أن ثواب المتصفين بها الجنات. قال تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. Surat al-Qalam, الآيات الرابعة والثلاثون. Profil numéro 112 est que la récompense des pieux sont les jardins du paradis. Allah nous dit d'après l'essence du verset: les pieux ont certes auprès de leur Seigneur les jardins de délices. Surat al-Qalam, la plume, verset numéro 34. الفائدة الثالثة عشرة بعد المئة أن المتصفين بها هم المتذكرون بالقرآن قال تعالى وإنه لتذكرة للمتقين سورة الحاقة الآية الثامنة والأربعون. Le profil numéro 113 est que ceux qui l'ont pour caractéristique, donc la piété, sont eux qui se rappellent à travers le Coran. المتذكرون بالقرآن qui se rappellent à travers le Coran. Allah nous dit d'après l'essence du verset et il est certes le Coran, un rappel pour les pieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset a restreint le rappel aux pieux. Surat al-Haqqa, verset numéro 48. Al-fa'ilatu al-rabi'ata asharata ba'da al-mi'a. Al-fa'ilatu al-rabi'ata ashara ba'da al-mi'a. Anna thawab al-muttaqina dhilalun wa'uyun wa fawakihu mimma yashtahun. قال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون سورة المرسلات الآية الواحدة والأربعون والثانية والأربعون. Le profil numéro 114 est que la récompense des pieux est des ombrages, des sources et des fruits selon leur désir. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, les pieux seront parmi des ombrages, في ظلال et des sources, de même que des fruits selon leur désir. Surat al-Mursalat, versets 41 et 42. Al-fa'ilatu al-khamisata 'ashara ba'da al-mi'a. Anna thawaba al-muttasifina biha al-fawz bin-na'im. Qala ta'ala: "Inna lil-muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa." Le profil numéro 115 est que les pieux auront comme récompense la réussite par les délices. Allah nous dit d'après l'essence du verset: "Pour les pieux, ce sera une réussite jardin et vigne, et des belles au sein arrondi d'une égale jeunesse et coupe débordante. Al-fa'ilatu sadisata ashara ba'da al-mi'a. Anna at-taqwa min asbab at-taysir lil-yusra. Qala ta'ala: fa'amma man a'ta wa-ttaqa, fa'amma man a'ta wa-ttaqa wa saddaqa bil-husna fasanuyassiruhu lil-yusra. Sourate al-Layl, al-ayat al-khamisa ila as-sabi'a. Le profil numéro 116 est que la piété est une cause menant à la facilité. Allah nous dit, d'après l'essence du verset, « Et quant à celui qui donne et craint Allah, fait preuve de piété, alors nous lui faciliterons la voie menant au plus grand bonheur. » Surat al-Layl, verset numéro 5 à 7. « Al-fa'ilatu sabi'ata asharata ba'da al-mi'a. Annaha sababun najati minan nar. Qala ta'ala, wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti ma lahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujaza. » إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى سورة الليل الآية السابعة عشر إلى الآية الواحدة وعشرين. Le prophète numéro 117 est le dernier des prophètes cités par l'auteur rahimahullah. Il nous dit, il est que la piété est une cause pour être sauvé du feu. Allah nous dit à propos du feu de l'enfer, alors quand sera écarté le pieux qui donne ses biens pour se purifier et auprès de qui personne ne profite d'un bien intéressé, mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut, et certes, il sera bientôt satisfait. Voilà, ça vous fait yarda. Surat al-Layl, du verset numéro 17 au verset numéro 21. Illa bitira awajihi rabbihi al-a'la. Mais seulement pour la recherche de la face de son Seigneur le Très-Haut. C'est-à-dire que ses œuvres sont exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait que personne ne profite auprès de lui d'un bien intéressé. Donc il œuvre uniquement pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur finit par nous dire, et par cela est achevée la citation des profits découlant de la piété dans le noble Coran, selon ce que nous avons suivi. Elles ont atteint 64 profits en supprimant les répétitions, et 117 avec les répétitions. Donc nous avons lu 117 profits sans les répétitions. Puis nous dit rahimahullah, louange à Allah, celui par qui se concrétisent les bonnes choses. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Celui qui fait grâce à qui il veut parmi ses serviteurs et qui les guide vers la vérité. Et celui qui a certes égaré beaucoup d'entre eux pour une sagesse qu'il veut. Gloire donc, subhana, au sage, l'omniscient, al-alim, le bon, Al-Bar, le très miséricordieux Ar-Rahim. Puis il nous dit, Rahimahullah, Rahmatan wa Asi'a, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala en disant, Ô Allah, Accorde-nous de ta part une miséricorde. Tu es certes le donateur suprême. Ô Allah, fais-nous partie de ceux qui ont ces caractéristiques, at-taqwa, et que tu es donc agréé d'eux et qu'ils sont agréés de toi. Ya Hayyu Ya Qayyum, ô le vivant qui souvient par lui-même. Ô celui qui détient la royauté des cieux et de la terre. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Intaha kalamuhu rahimahullah. Wa nahnu naqulu amin. Et donc, nous louons donc aussi Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait qu'il nous a accordé et pour nous avoir permis de finir cet épître. Et nous le demandons subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense, de nous pardonner nos fautes, de combler nos manquements, de nous réformer et qu'il fasse que cela soit une cause de notre guidée subhanahu wa ta'ala et que cela soit une preuve pour et non contre nous yawm al-qiyamah. Tout comme nous le demandons subhanahu wa ta'ala de par sa grâce immense de nous réunir dans des jardins, des rivières, dans une demeure de vérité, auprès d'un souverain omnipotent. Fi jannatin wa nahar, inda malikin muqtadir. Allahumma ahdina li ahsani al-akhlaq wal-a'mal, fa innahum la yahdi li ahsaniha illa ant, wa qina sayi al-akhlaq wal-a'mal, fa innahu la yaqi sayi'aha illa ant. Allahumma aati anfusana taqwaha wa zakkiha, أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته